Sans le voir, на soif, mais c'est la wax, mêlée. Un jour, pédé, on m'a dit que tout la crise. C'est pas que je suis triste, mon père, jusque là, on me prise trop, mais je crise trop. Regarde si tu vis quand tu dis trop, tu vises mort. Quand tu pisses, tu veux retourner le bistrot. Moi, je me fais discret. Crois une addiction dans tes discrédités, distribuées par l'aliénation. J'ai mes convictions sur la démocratie et les solutions de l'action. Thank you.